pour le rendez-vous de ce soir, cet épisode 23 qui s'intitule La fabrique du crime. Nous avions besoin d'experts, nos experts, que je vais vous présenter maintenant. Caroline Duparc, qui est maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université d'Angers, directeur de l'Institut d'études judiciaires et co-directeur du diplôme d'université de sciences criminelles. Vincent Guérin, docteur en histoire contemporaine et spécialiste des mutations technologiques à l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest. Et puis, pour le côté performé, geste artistique, on a fait appel à d'autres experts, ceux de la classe d'art dramatique du Conservatoire à rayonnement régional de la ville d'Angers. Je vais les citer, Benoît Castel, Elsa Duré, Léa Guillemet, Eva Abasque, Benjamin Lamy-Berruet, Maria Moret et Clara Thibault, qui ont travaillé sous la direction de Stanislas Sofanor pour cette soirée. À l'issue de cette conférence, il y a un temps d'échange qui est prévu avec nos invités de ce soir. Voilà, on passera le micro suivant les différentes questions qu'il pourra y avoir. Et je vais donc, avant de vous souhaiter une bonne soirée, je vais laisser la place à nos experts de la classe d'art dramatique qui vont démarrer cet épisode 23 de La Fabrique du Crime. Bonne soirée à vous. Est-ce de la pure fiction ? Si l'on entend prédire dans le sens de prophétiser, c'est-à-dire annoncer à l'avance un événement par inspiration surnaturelle, par voyance ou prémonition, comme le font les prégogues de Dick, oui, il s'agit de fiction. Mais si l'on retient l'autre signification du terme prédire, et que l'on l'entend cette fois dans le sens de pronostiquer, c'est-à-dire annoncer à l'avance un événement par connaissance rationnelle des causes et effets, alors la réponse n'est plus la même. Il existe en effet des outils, dont nous parlera Vincent, qui sont actuellement mobilisés pour pronostiquer le passage à l'acte criminel, plus précisément pour mesurer les risques de récidive. C'est alors considéré que la société ne doit pas se contenter de répondre à un acte délictueux qui a été commis. Elle doit également se prémunir par anticipation contre un acte de cette nature. Autrement dit, prédire le crime pour le prévenir. Cet objectif préventif est suivi par la législation pénale contemporaine. On pense en particulier à une série de lois qui ont eu pour ligne de mire d'abord la délinquance sexuelle, puis qui se sont attachées à d'autres formes de délinquance. Il est certain que cette finalité préventive, assignée au droit pénal contemporain, n'est pas étrangère au contexte terroriste, en particulier depuis les attentats de 2001. Je voudrais ici m'arrêter un instant. Tout ceci peut sembler parfaitement évident. Pourtant, la prévention n'apparaît pas la réponse la plus naturelle du droit pénal. Il ne faut pas en effet oublier que sa fonction première est la répression. Autrement dit, le fait de sanctionner par des peines des actes contraires à l'ordre social. Le droit pénal, en grossissant le trait, est primairement une réponse au passé. Il est désormais également tourné vers l'avenir du fait de l'institution de mesures aux besoins contraignantes, dans le but d'éviter la commission d'une infraction. Il s'agit surtout, pour le moment, d'éviter la récidive. Les moyens de la prévention sont divers. Neutralisation, moyen utilitaire de protection sociale par excellence. Il s'agit ici de mettre à l'écart l'intéressé, soit en le privant de sa liberté, par exemple par la rétention de sûreté, ou en la restreignant, par exemple par l'assignation à résidence, soit en restreignant ses droits, comme par exemple l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Autre moyen de prévention, le traitement. Cela peut prendre la forme d'une injonction de soins ou d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique. La surveillance, qui intervient après la libération du condamné et qui peut prendre la forme d'un placement sur surveillance électronique mobile. Enfin, le fichage. Il existe de nombreux fichiers. Ils n'ont pas tous pour objectif de prévenir la récidive. Certains poursuivent spécifiquement ce but. On peut citer par exemple le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Parmi les moyens préventifs que le droit pénal met à disposition des autorités publiques, il y a ce que l'on appelle des mesures de sûreté, mesures préventives qui s'opposent aux peines. Ce qui constitue ici le critère de l'action sociale est la dangerosité. La dangerosité, c'est ce qui est susceptible d'être dangereux. C'est un autre critère d'intervention du droit pénal qui ne connaissait que celui de la culpabilité. On quitte alors le terrain du dommage pour aller vers celui du risque, de l'objectivité vers la subjectivité, de la certitude vers la probabilité, voire la simple éventualité, du diagnostic au pronostic. Tous ces glissements affectent nécessairement le droit pénal qui se mue désormais dans une logique prophylactique qui n'est pas sans risque pour les libertés individuelles. Ce qu'il faut bien comprendre est que le législateur contemporain va à contre-courant du droit pénal classique qui s'est construit au XVIIIe siècle sur l'idée que l'homme est doué d'un libre arbitre. L'individu peut toujours faire le choix du bien ou du mal. On ne peut pas à l'avance savoir ce qu'il fera. Ce faisant, il est impossible de prévoir. On doit alors se résoudre à ne pouvoir répondre qu'à des actes déjà commis en les sanctionnant par une peine. La peine a certes aussi pour objectif celui d'amender le condamné, de l'améliorer et donc d'éviter la récidive. Mais en tout état de cause, elle ne pourra être prononcée qu'après coup. En cherchant à protéger la société contre des personnes dangereuses, en ce qu'elles présentent un risque, la perspective est tout autre. L'attention n'est pas portée sur ce que l'individu fait, mais sur ce que l'individu est. Porte-t-il en lui le germe criminel qui le poussera à passer à l'acte? On voit bien ici que la volonté libre de l'homme est considérée comme une illusion. Reste à détecter la potentialité du crime, à évaluer la dangerosité de l'individu. Comment prédire le comportement futur? La dangerosité comme probabilité qu'un individu commette une infraction contre les biens ou des personnes que l'examen clinique individuel essaye d'évaluer en interprétant des symptômes, des comportements, a évolué aux États-Unis à Chicago à partir des années 1930 vers un risque a priori calculable avec des méthodes statistiques qui donnent à cette dangerosité un habillage probabiliste. Pour construire une table de prédiction du risque, il faut dans un premier temps prendre en compte un certain nombre de criminels qui ont récidivé afin d'isoler ce que l'on appelle des prédicteurs et ainsi faire émerger des combinaisons de facteurs de risque, ici la récidive criminelle. Exemple, 80% des personnes qui ont récidivé avaient entre 25 et 30 ans et étaient célibataires. Dans un premier temps, selon les combinaisons statistiques obtenues, des points sont attribués au candidat à la libération conditionnelle, donnant naissance à un score personnalisé supposé évaluer le risque de récidive. Par le réductionnisme statistique, il s'agit de trancher dans l'incertitude afin de prendre une décision. Extrapoler le futur d'un individu à partir du passé en fonction d'un groupe de référence, au risque d'enfermer les individus dans une objectivité qui a force de conviction et, d'une certaine manière, gommer la singularité, la complexité du sujet, de la personne. Dans les années 1980, le gouvernement fédéral américain, soucieux d'améliorer l'efficacité de la police, étend cette méthode, limitée à l'État de l'Illinois, Chicago, et la sortie conditionnelle à tous les États pour différents usages. L'objectif est d'améliorer la proactivité de la police. Si jusqu'alors elle agissait après le crime, il faut maintenant lui donner les moyens d'intervenir en amont. Les techniques dites actuarielles deviennent progressivement une méthode de profilage et de ciblage des groupes à risque, trafiquants de drogue, fraudeurs fiscaux. En pratique, si un policier a le choix pour une arrestation entre deux personnes, il doit cibler celle qui appartient au groupe supposé avoir la plus forte probabilité d'être coupable. Le postulat repose sur l'idée que si on arrête plus souvent une population qui a un taux de criminalité élevé, on va favoriser chez elle une réactivité et ainsi faire baisser son taux de criminalité. Cependant, sur le terrain, les policiers constatent rapidement que si l'on arrête un chauffeur afro-américain sur deux, sur une autoroute, alors que cette population ne représente que 18% de la population totale, mais 60% des personnes arrêtées, le taux de découverte des stupéfiants est quasi semblable aux 40% de la population restante. Le philosophe et avocat Bernard Hartcourt pointe ici une discrimination statistique. Alors que l'on arrête plus une minorité, nous sommes au point d'équilibre. Plus encore, il dénonce l'élasticité présupposée du crime chez certains groupes, la manière dont elle réagit, ou dont réagit une variable par rapport à une autre. Selon lui, certaines personnes ne vont pas changer leur comportement au motif que les raisons qui conduisent à commettre un crime excèdent le choix rationnel. Il faut imaginer, selon lui, que certains groupes n'ont pas d'autres ressources, d'autres alternatives, à tout le moins le même éventail des possibles, c'est le retour du social. De plus, le ciblage renforce la stigmatisation. Étiqueté, le groupe ciblé intériorise cette représentation criminelle qui produit en retour une violence symbolique, une représentation négative d'eux-mêmes, qui se répercute dans l'éducation, l'emploi, et qui peut conduire, d'une part, certains à une carrière criminelle, et d'autre part, produire une naturalisation, un ça va de soi, l'apparence d'un déterminisme, biodéterminisme. Quelques éléments sur les algorithmes dits prédictifs. Depuis 2013, toujours à Chicago, la police utilise un algorithme appelé « liste des sujets stratégiques », qui vise à identifier les personnes qui sont susceptibles d'être mêlées à une fusillade ou un meurtre. Un algorithme peut être comparé à une recette de cuisine. Il désigne une série d'instructions, des calculs, permettant d'obtenir un résultat à partir de données. En 2017, la base de données initiale de l'algorithme comprenait 400 000 personnes qui avaient été arrêtées au moins une fois et dont les empreintes avaient été relevées à Chicago entre 2012 et 2016. Artificial Intelligence Now Institute questionne la nature, l'essence des données utilisées. Selon cette association, les personnes présentes sur la liste qui ont été arrêtées dans des zones ciblées par les patrouilles de police, que sont les quartiers du sud et de l'ouest de Chicago, des quartiers noirs à faible revenu, des quartiers qui en 2016 représentaient 5% de la population de Chicago, mais concentraient un quart des crimes. À partir de cette liste, qui cible les quartiers noirs, l'algorithme établit un score entre 0 et 500 individuels à partir de plusieurs variables, comme le nombre de fois que l'individu a été victime d'une fusillade, l'âge de la dernière arrestation, mais surtout la position de la personne dans le réseau criminel, les relations qu'il entretient avec des personnes ayant commis un crime ou en a été victime. L'objectif est d'extraire la liste des personnes ayant de fortes chances de commettre ou d'être victime d'une fusillade ou d'un meurtre dans les prochains mois. Sur les 400 000 personnes répertoriées, les deux tiers excèdent le score de 250, un seuil qui déclenche un programme social qui consiste à rencontrer la personne potentiellement victime ou auteur du crime. Pour certains, l'algorithme est un blanc-seing qui permet à la police de frapper à n'importe quelle porte, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. S'il est commun de penser que les données utilisées par la police sont objectives, qu'elles reflètent le comportement criminel, en réalité, elles sont surtout le miroir des pratiques, des priorités d'un département de police imprégné par des biais institutionnels et individuels, parfois ouvertement racistes. En un mot, loin d'être objectives, les données sont subjectives. Sommé de produire des chiffres de criminalité annuels toujours plus bas, il existe de nombreux cas documentés où la police américaine, et notamment celle de Chicago, réduit artificiellement l'importance du crime sérieux, allant parfois jusqu'à utiliser des moyens illégaux en dissuadant les victimes de porter plainte. Des pratiques qui non seulement dénaturent la prédiction, mais encore renforcent la discrimination raciale. Faisons un détour par le passé. Le passé éclaire l'avenir, dit-on. La préoccupation de l'anticipation du crime n'est pas nouvelle. L'appel aux sciences non plus. Au cours du XIXe siècle, le système classique pénal fut battu en brèche par l'école positiviste italienne, qui fut inspirée notamment par Darwin et Comte. Il faut dire que le bilan de l'époque est assez accablant. Une criminalité en constante progression et un fort taux de récidive. La critique positiviste ne se contente pas d'affirmer que les solutions proposées sont inefficaces. Elle va plus loin, en s'attaquant au système classique lui-même. De bout en bout, le droit pénal fut pensé autrement, en vertu d'une approche nouvelle, entièrement nouvelle. Les positivistes s'intéressèrent aux causes du crime, à la fabrique du crime, pour ainsi dire, en appréhendant la criminalité non plus comme la somme de manifestations isolées, mais comme un phénomène collectif, qu'ils décident d'analyser du point de vue scientifique et en suivant une méthode expérimentale. À l'aide des sciences, ils réfutèrent le principe du libre arbitre, si cher aux Lumières, qui est pour eux de la pure métaphysique. D'après les positivistes, l'homme est déterminé. Il faut comprendre par là qu'il ne choisirait pas ses actes qui dépendent entièrement de facteurs physio-psychologiques et sociaux où la volonté n'a pas sa place. En bref, nous ne serions pas des êtres pensants et agissants de manière autonome, mais des êtres instinctifs, pas très différents de l'espèce animale, incapables de s'extraire du moule morphologique, social ou psychologique qui façonne nos gestes et nos pensées. Les mots que vous venez d'entendre sont extraits d'un ouvrage, L'homme criminel, avec le sous-titre Criminel né, fou moral, épileptique, études anthropologiques et médico-légales, ouvrage écrit en 1876 par Cesare Lombroso. Lombroso est professeur de médecine légale et l'un des chefs de file de l'école positiviste italienne avec Enrico Ferri, professeur de droit et homme politique, et Raffaele Garofalo, magistrat. Chacun aborde le phénomène criminel selon une approche différente et complémentaire. Lombroso s'intéressa aux criminels d'un point de vue anthropologique. D'après lui, les comportements humains sont en lien avec la constitution physique. Déjà avant lui, au XVIIIe siècle, Franz Joseph Gall, médecin allemand, avait fondé la phrénologie, qui visait à déceler les facultés et les penchants des hommes par la palpation des reliefs du crâne. À partir de l'observation de centaines de crânes et de plusieurs milliers de délinquants, Lombroso dégagea une série de caractères morphologiques propres aux criminels et effectua une classification des individus. Ferri et Garofalo, eux, abordèrent différemment le phénomène criminel. Ferri suivit une approche sociologique. Pour Ferri, c'est le milieu qui favorise le passage à l'acte et qui fournirait aux individus sains des occasions de commettre des infractions. Quant à Garofalo, il s'intéressa aux anomalies morales et psychiques du criminel. C'est lui qui donna son nom à la criminologie, qui en était à ses débuts. Quelle que soit l'approche, l'idée soutenue par le positivisme pénal est que l'homme n'est pas libre. Il existerait des criminels nés, ou du moins fabriqués par leur milieu. En d'autres termes, le criminel existerait à l'état latent, avant même le crime. Le système pénal classique se trouve ainsi touché en plein cœur. Il est alors aisé de poursuivre le raisonnement pour le faire voler totalement en éclats. Puisque l'individu n'agit pas librement, comment lui reprocher une faute lorsqu'il commet une infraction ? Un individu agit de la sorte parce qu'il est prédisposé. Il en va des actes ordinaires comme des actes antisociaux. Toute idée de responsabilité morale se trouve par conséquent dénuée de sens. On ne peut pas répondre devant sa conscience d'un acte qui n'a pas été librement choisi. Ce n'est que si l'on est libre qu'on est responsable. Le criminel n'étant pas responsable moralement, il n'est pas permis de l'intimider, voire, dans la vision la plus pessimiste du déterminisme, de l'améliorer. Il est donc inutile de punir. Ce qu'il faut, c'est protéger la société des individus dangereux du fait de la menace qu'ils représentent en les empêchant de passer à l'acte. L'irresponsabilité morale du criminel ne conduit pas à l'inaction de l'État. Il doit au contraire intervenir en raison de la responsabilité sociale du criminel, dans le sens où il doit, et je reprends ici les mots de Ferri, se soumettre à toute mesure susceptible de juguler le danger qu'il représente. C'est ainsi que la dangerosité est proposée comme critère de la réaction sociale qui doit faire primer l'intérêt de la collectivité sur celui de l'individu. Il est clair que l'évolution contemporaine du droit pénal trouve ses racines dans le positivisme pénal du XIXe siècle. Si bien que notre système actuel est en quelque sorte hybride, nourri de deux inspirations diamétralement opposées et prenant appui sur deux fondements, la culpabilité et la dangerosité, ce qui n'est pas sans créer de tensions. Il n'est plus question de criminel né, mais davantage de criminel potentiel, de sorte qu'il serait plus juste de parler désormais de probabilisme que de déterminisme. Le 27 novembre 2008, la police de Bombay arrêtait un des 10 auteurs des attentats meurtriers qui avaient ensanglanté la ville pendant 3 jours et fait 166 morts et plus de 300 blessés. Elle découvre avec stupeur un petit homme au visage poupin, surnommé depuis le tueur à tête de bébé. Un journaliste s'interroge, innocent, manipulé ou fanatique dangereux. Manifestement, les traits du criminel apparaissent comme incompatibles avec l'horreur de l'acte. Le monstrueux ne peut avoir un visage d'enfant. Plus encore, ce doux visage qui apparaît en contradiction avec l'acte horrifique fait obstacle à la compréhension. Loin de s'éteindre, cette représentation du criminel né, biodéterminé, que Caroline a exposé, semble revivifiée par l'usage de la reconnaissance faciale. En 2016, 2 chercheurs de l'université de Shanghai annonçaient qu'ils avaient isolé, grâce à un algorithme, 3 traits de visage caractéristiques du criminel potentiel à partir d'un panel de 2000 photographies composées pour moitié de criminels. Effrayés par le retour de la théorie du criminel né, des chercheurs et journalistes se sont émus de la nature de ces travaux. Le questionnement de départ des 2 Chinois était le suivant. Existe-t-il des corrélations statistiques entre les traits du visage et l'acte criminel ? De manière plus générale, il s'agissait de rendre la machine capable de repérer dans un espace ouvert, comme un hall de gare, un criminel potentiel grâce à ses traits. Les auteurs évoquent l'objectivité de l'algorithme. C'est le rapport à l'objectivité et donc à la vérité qui me semble inquiétant et qu'il est urgent de déconstruire. En pratique, il s'agit de repérer l'altérité physique chez le criminel, opposer ce qui sépare le même de l'autre. Quand bien même existerait-il une corrélation statistique ? Est-elle pertinente à 100 %? Qu'en est-il du libre arbitre ? En 2015, la Chine expérimente un système dit de crédit social, un gouvernement automatique, transparent, qui, sous la forme d'un score chiffré, s'ajuste en temps réel à partir des données numériques brutes des individus collectées notamment par les smartphones. Son ambition, rendre conforme. Pour le moment volontaire, à partir de 2020, ce système évaluera et gouvernera la vie de plus d'un milliard de personnes, ainsi que les institutions. Nous sommes passés, subrepticement, de l'anticipation du crime à celle de l'anticipation de la déviance, l'écart à la norme, toute relative, son extension possible. La visée explicite du crédit social est de favoriser l'émergence d'un État fort, promouvoir une culture de la sincérité, favoriser l'honnêteté, encourager la loyauté. Dans la culture confucéenne, l'État est en charge de l'autorité légale, mais aussi de la moralité sociale. Une tradition ici couplée à une ingénierie sociale qui repose sur l'idée que l'on pourrait saisir et moduler scientifiquement les individus, couturant dans une même étoffe l'État et société, vie publique et vie privée. Il faut être prudent. Les valeurs confucianistes ne sont pas les valeurs occidentales. La notion de vie privée n'est pas présente dans la culture traditionnelle chinoise. En premier lieu économique, le crédit social a aussi pour objectif de prévenir des risques sociaux de tous ordres en assurant une mise en conformité légale et réglementaire. Dans ce dispositif, l'individu, l'institution sont contraints d'ajuster leur comportement à une norme qui tient son apparente objectivité de son adhérence au réel. Afin de tester le projet, le gouvernement chinois a accordé une licence à 8 entreprises dotées d'une forte capacité intrusive, ramifiée aux 3 géants de l'Internet et de l'intelligence artificielle, Baidu, Alibaba et Tencent. Le score du crédit social s'étend de 350 à 950 points, articulant sanctions et récompenses, il apparaît comme un mix de communisme et de consumérisme. Lorsqu'une personne atteint un score de 600 points, elle peut contracter un prêt à taux zéro de 665 euros et le dépenser dans un magasin en ligne comme Alibaba. Avec un score de 650, la personne peut louer une voiture sans caution. Les gens qui ont obtenu un score supérieur à 750 ont un statut de symbole. Le score influence déjà, chez les volontaires, les rencontres qu'ils font, leurs partenaires pour le mariage, leurs perspectives d'avenir. Par un autre biais, ce score public permet ou pas de contracter un emprunt, d'être ou ne pas être éligible à un travail, une école, de bénéficier ou pas de l'usage de moyens de transport, un débit rapide d'Internet. On peut d'ores et déjà imaginer un autocontrôle qui débouchera sur un contrôle mutuel, une nouvelle économie psychique et politique qui rendra difficile toute forme de résistance. En contrepoint, il faut imaginer une adaptation, peut-être des contre-conduites. Contre-intuitivement, Arshen Huang, professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, considère qu'avec le crédit social, le gouvernement chinois sera moins répressif. Selon lui, il faut imaginer la Chine comme un pays autoritaire, avec ou sans big data, qui jusqu'alors sanctionnait collectivement les personnes. L'auteur donne l'exemple de la communauté de voisinage qui doit surveiller ses membres. Si l'un dévie, alors tout le monde est puni. La répression avec ce système, selon l'auteur, sera beaucoup plus précise et donc certainement, d'une certaine manière, moins discriminante. Merci à vous.